perds mes types, après je perds ma femme, alors je perds ma maison, enfin je perds la raison. Je deviens fou quoi, je deviens fou quoi. D'abord je perds mon taf, ensuite je perds mes types, après je perds ma femme, alors je perds ma maison, enfin je perds la raison. Je deviens fou quoi, je deviens fou quoi. Fuck la police que j'aime, y'a trop de vis m'amène. Autre piste si t'en craignes, crise schizophrène, crise d'haleine, crime à haine, crime allez. Sois pas triste alors, y'a pas de dessert, peu de dessert quand l'état t'essort. Ta monnaie, tu me connais, je dois étonner avec le don. Pourquoi je suis violent, mal évolué et virulent, le cerveau pollué, les visions pullulent, où je comprends comment. Les visions pullulent, où je comprends comment, cul. Crise schizophrène, prise d'haleine, crime à haine, crime, allez, sois pas triste alors. D'abord je perds mon taf, ensuite je perds mes types, après je perds ma femme, alors je perds ma maison, enfin je perds la raison. Je deviens fou quoi, je deviens fou quoi. D'abord je perds mon taf, ensuite je perds mes types, après je perds ma femme, alors je perds ma maison, enfin je perds la raison. Je deviens fou quoi, je deviens fou quoi. Au milieu de tous, je suis seul. J'ai passé le cap et j'ai ouvert mes yeux. La réalité me frappe et elle ressemble à un sachet de poison qu'on nous vend tous les jours. Tout s'achète, l'homme honnête est rare. Et tous ensemble c'est fini. Les cris des loups solitaires déchirent le calme de la nuit. La douleur du cœur endurcie depuis tout petit. On a compris qu'on est perdu d'avance. Alors à quoi tu penses? Que peut-on faire? La planète Terre, la mer nourricière, assassinée, ruinée. Notre avenir troqué contre des billets. À croire qu'on joue la vie de nos enfants à la loterie. Les anciens crèvent amers, les saints prient, alors que même mère Teresa a avoué avoir perdu la foi devant l'horreur des crimes humains commis et s'est promis. C'est pas la folie qui engendre ces actes, mais quelques hommes démoniaques, sans morale, sans cœur, sans âme, conscients de leur acte. Comment justifier des enfants esclaves? La guerre, les morts pour rien, sauf pour l'argent. Encore, tout le temps, le même problème. La conséquence, la haine, la peine, l'âme kamikaze. Ce système perd son sens, alors j'envoie tout chier. D'abord je perds mon taf, ensuite je perds mes types, après je perds ma femme, alors je perds ma maison, enfin je perds la raison. Je deviens fou quoi, je deviens fou quoi. D'abord je perds mon taf, ensuite je perds mes types, après je perds ma femme, alors je perds ma maison, enfin je perds la raison. Je deviens fou quoi, je deviens fou quoi. Nous vivons dans des résidences où les gens doivent se ressaisir. Divisions dans mes rangs nous laissent dans un désert. Course à l'argent, puisqu'une envie, un désir qui détermine le classement. Nous sommes détournés par les plaisirs. D'abord je perds mon taf, ensuite je perds mes types, après je perds ma femme, alors je perds ma maison, enfin je perds la raison. Je deviens fou quoi, je deviens fou quoi. D'abord je perds mon taf, ensuite je perds mes types, après je perds ma femme, alors je perds ma maison, enfin je perds la raison. Je deviens fou quoi, je deviens fou quoi.